Les essais de Montaigne. Traduction en français moderne du texte de l'édition de 1595 par Guy de Pernon. Tout droit réservé. Avec la très aimable autorisation de M. de Pernon. Livre 1. Ô lecteur, voici un livre de bonne foi, lecteur. Il est averti dès le début que je ne m'y suis fixé aucun autre but que personnel et privé. Je ne m'y suis pas soucié, ni de te rendre service, ni de ma propre gloire. Mes forces ne sont pas à la hauteur d'un tel dessein. Je l'ai dévolu à l'usage particulier de mes parents et de mes amis, pour que, m'ayant perdu, ce qui se produira bientôt, ils puissent y retrouver les traits de mon comportement et de mon caractère, et que, grâce à lui, ils entretiennent de façon plus vivante et plus complète la connaissance qu'ils ont eue de moi. S'il s'était agi de rechercher la faveur du monde, je me serais paré de beautés empruntées. Je veux, au contraire, que l'on m'y voie dans toute ma simplicité, mon naturel et mon comportement ordinaire, sans recherche ni artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y verront sur le vif, mes imperfections et ma façon d'être naturellement, autant que le respect du public me l'a permis. Si j'avais vécu dans un de ces peuples, que l'on dit vivre encore selon la douce liberté des premières lois de la nature, je t'assure que je m'y serais très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Il n'est donc pas raisonnable d'occuper tes loisirs à un sujet si frivole et si vain. Adieu donc. De Montaigne, ce 12 juin 1588. Chapitre 1. Par divers moyens, on arrive au même résultat. 1. La façon la plus courante d'amadouer ceux qu'on a offensés, lorsque, prêts à se venger, ils nous tiennent à leur merci, c'est de susciter en eux, par notre soumission, la pitié et la commisération. Et pourtant, la bravade, la constance et la détermination, qui en sont l'inverse, ont parfois produit le même effet. 2. Édouard, le prince de Galles, qui régna si longtemps sur notre Guyenne, personnage dont la condition et le destin ne manquent pas de grandeur, avait été gravement offensé par les Limousins. En s'emparant de leur ville, il ne se laissa pas attendrir par les cris du peuple, des femmes et des enfants abandonnés au massacre, implorant sa pitié et se jetant à ses pieds. Mais comme il avançait plus avant dans la ville, il aperçut trois gentilshommes français qui, faisant preuve d'une hardiesse incroyable, soutenaient à eux seuls l'assaut de son armée victorieuse. La considération et le respect que lui inspirèrent un courage aussi remarquable émoussèrent sa colère, et, après avoir accordé sa miséricorde à ces trois-là, il l'accorda à tous les autres habitants de la ville. 3. Skanderberg, prince de l'Épire, poursuivait un de ses propres soldats pour le tuer. Celui-ci, ayant essayé de l'apaiser par ses protestations d'humilité et ses supplications, se résolut en dernière extrémité à l'attendre, l'épée au poing. Cette résolution arrêta net la furie de son maître, qui, le voyant prendre un si honorable parti, lui accorda sa grâce. Mais il est vrai que ceux qui n'auraient pas eu connaissance de la vaillance et de la force prodigieuse de ce prince pourraient donner à son attitude une autre interprétation. 4. L'empereur Conrad III, ayant assiégé le Guelf, duc de Bavière, ne voulut pas adoucir ses conditions, aussi viles et lâches qu'aient pu être les satisfactions qu'on lui offrit. Il permit seulement aux dames qui étaient assiégées avec le duc de sortir sans qu'il fût porté atteinte à leur honneur, à pied, avec ce qu'elles pourraient emporter sur elles. Et elles, d'un cœur magnanime, eurent l'idée de charger sur leurs épaules leurs maris, leurs enfants et le duc lui-même. L'empereur fut tellement impressionné par la noblesse de leur attitude qu'il en pleura de contentement et que l'inimitié mortelle et totale qu'il éprouvait envers le duc s'adoucit. Et à partir de ce moment, il le traita humainement, lui et les siens. 5. Quant à moi, je me laisserais entraîner aussi bien vers l'une que vers l'autre de ces attitudes, mais j'ai une certaine faiblesse pour la miséricorde et la mansuétude. Si bien qu'à mon avis, je me rendrais plus facilement à la compassion qu'à l'admiration. La pitié est pourtant pour les stoïciens un mauvais sentiment. Ils considèrent que si l'on doit porter secours aux affligés, on ne doit pas se laisser fléchir au point de partager leurs souffrances. 6. Les exemples précédents me paraissent d'autant plus convaincants que l'on y voit des caractères confrontés à ces deux attitudes résister à l'une et fléchir devant l'autre. On peut dire que se laisser toucher par la commisération, c'est céder à la facilité, la bonté et la faiblesse. Et l'on voit bien que les natures les plus faibles, comme celles des femmes, des enfants et du vulgaire, y sont plus sujettes. Mais qu'après avoir méprisé les sanglots et les larmes, on se rende simplement par dévotion envers le courage, c'est en fait la marque d'un caractère fort et inflexible, qui affectionne et honore la mâle vigueur et la détermination. 7. Et pourtant, en des âmes moins généreuses, l'étonnement et l'admiration peuvent avoir le même effet. C'est ce dont témoigne le peuple thébain. Ayant requis en justice la peine capitale à l'encontre de ses chefs, qui l'accusaient d'avoir continué à exercer leur charge au-delà de la période prescrite et convenue, il pardonna difficilement à Pélopidas, écrasé par les accusations à son encontre et qui ne se défendait que par requêtes et supplications. Dans le cas d'Épaminondas, au contraire, qui se complut à raconter ses hauts faits jusqu'à en faire honte au peuple par fierté et arrogance, personne n'eut le cœur de procéder au scrutin, et on se sépara, l'assemblée louant grandement le remarquable courage de l'accusé. 8. Denis l'Ancien, qui avait pris la ville de Régé après un siège qui avait traîné en longueur et au prix de grandes difficultés, voulut faire du capitaine Phyton, homme estimable, et qui avait obstinément défendu sa cité, un exemple de sa vengeance implacable. Il commença par lui dire comment il avait fait noyer son fils et toute sa famille le jour précédent. À quoi Phyton répondit simplement qu'ils étaient donc d'un jour plus heureux que lui. Il le fit alors dépouiller de ses vêtements et le livra à des bourreaux qui le traînèrent par la ville en le fouettant de façon cruelle et ignominieuse et l'accablant de paroles injurieuses et méchantes. Mais le malheureux conserva son courage et sa dignité. 9. D'un visage ferme, il rappelait au contraire la cause honorable et glorieuse de sa mort, qui était de n'avoir pas voulu remettre son pays entre les mains d'un tyran, et il le menaçait d'une prochaine punition divine. Au lieu de s'indigner des bravades de cet ennemi vaincu et du mépris qu'il affichait pour leur chef et son triomphe, l'armée était émue et étonnée par une vertu si rare. Elle songeait à se mutiner, et même à arracher Phyton d'entre les mains de ses tortionnaires. Alors Denis, lisant cela dans les yeux de ses soldats, fit cesser son martyr et le fit secrètement noyer en mer. Diodore de Sicile, 14-29. 10. Certes, c'est un sujet extraordinairement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé de fonder à son égard un jugement constant et uniforme. Voilà Pompée qui pardonna à toute la ville des Mamertins, contre laquelle il était fort irrité en considération de la vertu et de la magnanimité du citoyen Zénon, car celui-ci prenait à son propre compte la faute publique et ne demandait pas d'autre grâce que d'en supporter seul la punition. Mais l'hôte de Sylla, ayant fait preuve en la ville de Pérouse d'un semblable courage, n'y gagna rien, ni pour lui, ni pour les autres. 11. Et à l'inverse de mes premiers exemples, voici celui d'Alexandre, le plus hardi des hommes, si bienveillant pourtant envers les vaincus. Emportant, après bien des difficultés, la ville de Gaza, il y trouva Bétis, qui y commandait, et dont il avait pu apprécier la valeur durant le siège par des preuves extraordinaires. Bétis était seul à ce moment, abandonné par les siens, ses armes mises en pièces, tout couvert de sang et de plaies, et combattant encore au milieu de Macédoniens qui le harcelaient de toutes parts. 12. Alexandre lui dit alors, irrité qu'il était d'une victoire si chèrement acquise, car il venait encore d'y être blessé deux fois, « Tu ne mourras pas comme tu l'as voulu, Bétis. Sache qu'il te faudra subir toutes les tortures que l'on peut inventer pour un captif. » 13. Et l'autre, la mine non seulement assurée mais arrogante et hautaine, reçut ses menaces sans proférer le moindre mot. Alexandre, devant son mutisme obstiné, se disait « A-t-il fléchi un genou ? Lui a-t-il échappé quelques supplications ? Oui, vraiment, je vaincrai ce silence, et si je ne puis en arracher quelques paroles, j'en arracherai au moins un gémissement. » Quintcurs 4-6. Et sa colère devenant rage, il commanda qu'on lui perçât les talons. Il le fit ainsi traîner tout vif, déchiré et démembré, derrière une charrette. 14. Serait-ce que le courage lui était si commun et naturel qu'il ne le trouvait pas vraiment admirable et que de ce fait il le respectait moins, ou parce qu'il le considérait tellement comme sa chose propre qu'il ne pouvait supporter de le voir à un tel degré chez un autre sans en éprouver du dépit et de l'envie, ou encore que l'impétuosité naturelle de sa colère ne pouvait supporter d'être contrariée. 15. En vérité, si elle avait pu être domptée, tout porte à croire que lors de la prise de Thèbes, elle l'eût été, avoir passé au fil de l'épée tant de vaillants hommes qui n'avaient plus aucun moyen de se défendre. Car il y en eut bien 6 000 de tués, et aucun d'entre eux ne songea à fuir, ni demander grâce. Au contraire, ils cherchèrent encore, ici ou là, de par les rues, à affronter les ennemis victorieux, et même les provoquaient pour obtenir d'eux une mort honorable. On n'en vit aucun qui n'essaya, dans ses derniers instants, de se venger encore, et avec l'énergie du désespoir, de se consoler de sa propre mort par celle de quelque ennemi. Leur courage désespéré ne suscita aucune pitié, et une journée entière ne suffit même pas à Alexandre pour assouvir sa vengeance. Ce carnage dura jusqu'à ce qu'il n'y eut plus une seule goutte de sang à répandre, et il n'épargna que les personnes désarmées, les vieillards, les femmes et les enfants, dont on fit 30 000 esclaves. Diodore de Sicile, 27. Chapitre 2. Sur la tristesse. 1. J'ignore tout de ce sentiment. Je ne l'aime ni ne l'estime, bien que les hommes aient pris l'habitude, comme si c'était un marché conclu d'avance, de lui faire une place particulière. Ils en habillent la sagesse, la vertu, la conscience, sot et vilain ornement. Les Italiens ont de façon plus judicieuse donné son nom à la malignité, car c'est une façon d'être toujours nuisible, toujours folle. Et les stoïciens, la considérant comme toujours lâche et vile, défendent à leurs disciples de l'éprouver. 2. Mais on raconte que Psaménite, roi d'Égypte, ayant été vaincu et fait prisonnier par Cambyse, roi de Perse, et voyant passer devant lui sa fille prisonnière, habillée en servante, qu'on envoyait puiser de l'eau, alors que tous ses amis se lamentaient et pleuraient à ses côtés, se tint quoi, les yeux à terre. Et quand il vit son fils, qu'on menait au supplice, il fit encore de même. Mais ayant aperçu un de ses domestiques parmi les captifs, il se frappa la tête et manifesta une douleur extrême. 3. On pourrait comparer cela avec ce que l'on a pu voir récemment chez un de nos princes. Ayant appris à Trente, où il se trouvait, la mort de son frère aîné, sur qui reposait l'honneur de sa maison, et sitôt après celle d'un autre de ses frères plus jeunes, il soutint ces deux épreuves avec une constance exemplaire. Mais quelques jours après, comme un de ses gens venait de mourir, il se laissa emporter par ce dernier malheur et, abandonnant sa résolution, succomba à la douleur et au regret, si bien qu'il eut des gens pour dire qu'il n'avait été touché que par ce dernier coup du sort. Mais c'est qu'en vérité, il était déjà tellement plein de chagrin qu'à la moindre peine nouvelle, sa résistance s'effondra d'un coup. 4. Cette histoire, me semble-t-il, pourrait donc être comparée à la précédente, si ce n'est qu'elle y ajoute ceci. Cambyse, ayant demandé à Psaménite pourquoi il ne s'était guère ému du sort de sa fille et de son fils, alors qu'il n'avait pu supporter celui qui était fait à ses amis, ce dernier répondit « Seule cette dernière peine peut se manifester par des larmes, les deux premières étant bien au-delà de tout ce qui se peut exprimer ». À ce sujet, il faudrait peut-être évoquer aussi l'invention de ce peintre antique qui, pour représenter la douleur de ceux qui assistèrent au sacrifice d'Iphigénie, en fonction de l'importance que revêtait pour chacun d'eux la mort de cette belle jeune fille innocente, ayant épuisé les dernières ressources de son art, au moment de peindre le père de la jeune fille, le représenta, le visage couvert, comme si nulle expression n'était capable de représenter ce degré de la douleur. 5. Et voilà pourquoi les poètes imaginent que la malheureuse Niobé, ayant perdu d'abord ses 7 fils, et sitôt après autant de filles, incapable de supporter une telle perte, fut finalement transformée en rocher, pétrifiée de douleur. Ovide, 6, 304. Pour exprimer cette morne, muette et sourde stupidité qui nous saisit, lorsque les accidents qui nous surviennent nous accablent au-delà de ce que nous pouvons endurer. 6. En vérité, une douleur, pour atteindre son point extrême, doit envahir l'âme entière et lui ôter sa liberté d'action. C'est ainsi qu'il nous arrive, quand nous parvient une très mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis, paralysés et comme incapables du moindre mouvement. et l'âme, s'abandonnant ensuite aux larmes et aux plaintes, semble se libérer, se délier, s'épanouir et se mettre à son aise. Et sa douleur, enfin, laissa passer la voix. Virgile, 11, 151. 7. Pendant la guerre que le roi Ferdinand mena contre la veuve du roi Jean de Hongrie, tout le monde remarqua, lors d'une grande mêlée qui eut lieu aux alentours de Budé, la conduite particulièrement admirable d'un homme d'armes, qui, bien que fort louangé et plaint pour y avoir péri, demeurait inconnu de tous, et de Raïssiac notamment, seigneur allemand, qu'un tel courage avait impressionné. Il s'approcha par curiosité du corps que l'on venait d'amener pour savoir qui c'était, et l'armure du mort ayant été ôtée, il reconnut son fils. Cela mit un grand émoi dans l'assistance, mais lui, sans rien dire et sans sourciller, se tint debout, contemplant tristement le corps jusqu'à ce que la douleur ayant surpassé sa force vitale le fasse tomber raide mort à terre. 8. Qui peut dire son ardeur n'en éprouve que peu. Pétrarque, 170-14. Disent les amoureux qui veulent exprimer une passion insupportable. Malheureux que je suis, privé de tous mes sens, car à peine t'ai-je vu, Lesbie, que je perds la raison. Je ne peux plus parler. Ma langue est paralysée, une flamme dévore mes membres. Mes oreilles bourdonnent, la nuit couvre mes yeux. Catulle, 51-2. 9. Ainsi, ce n'est pas dans la plus vive et la plus ardente chaleur de l'exaltation que nous sommes le mieux à même de faire entendre nos plaintes et d'user de persuasion. L'âme est alors alourdie de pensées profondes et le corps abattu et languissant d'amour. 10. Et de là provient parfois la défaillance fortuite qui surprend les amoureux si mal à propos, cette glace qui les saisit à cause d'une ardeur extrême, au beau milieu de la jouissance elle-même. Toutes les passions qui se laissent déguster et apprécier ne sont que médiocres. Les petits chagrins bavardent, les grands sont muets. Sénèque, A2, 3, 607. De même, la surprise d'un plaisir inespéré nous bouleverse profondément. Sitôt qu'elle me vit et les armes troyennes, elle perdit la tête et, tout hallucinée, le regard fixe, exsangue, elle tomba pâmée. La voix ne lui revint que très longtemps après. Virgile, 3, 306. 11. Il y eut cette femme romaine, morte de saisissement, en voyant revenir son fils après le désastre de Cannes. Sophocle et Denis le Tyran, qui tous deux trépassèrent d'aise, Talva, qui mourut en Corse en apprenant les honneurs que le Sénat de Rome lui avait décernés, mais, à notre époque encore, le pape Léon X, informé de la prise de Milan qu'il avait tellement espérée, eut un accès de joie tel que la fièvre le prit et qu'il en mourut. Et pour un témoignage plus remarquable encore de la sottise humaine, les anciens avaient déjà remarqué que Diodore, le dialecticien, mourut subitement à cause de la honte extrême qu'il avait ressentie, parce que, en son école et en public, il n'avait pas réussi à réfuter une objection qu'on lui avait faite. 12. Je suis peu sujet à ces violentes émotions. Je suis de nature peu sensible et je renforce tous les jours ma carapace en raisonnant.